mal dans mon bras. Son petit coup de talon débordé à ses côtés. Moi, la pape se casse la tête pour m'amuser. Dis, mamzelle, là, là, pour mettre la pose pour danser. Mal à la montre, à la pousse, au fait gâter. Grand matin.